So the receptionist has found George and Elaine a bookshop just 10 minutes walk away. In a moment, we'll learn the directions for getting there. But first, a few more useful words and phrases. Comme d'habitude. As usual. Comme d'habitude, écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Regardez. Look. Regardez. Sur. On. Sur. Le plan. The map. Le plan.